Bien-aimés, vous avez entendu la première lecture qui dit, alors, non pas l'antéchrist, mais l'antichrist, enfin c'est la même chose, l'antéchrist, l'antichrist, qui parle vraiment de celui qui est l'antéchrist. On parle beaucoup de l'antichrist, beaucoup de gens en parlent. Eh bien, voyez, il faut bien avoir conscience que l'antéchrist, il est partout. Celui qui refuse que Jésus soit le Christ, c'est-à-dire qui refuse que Jésus soit le Fils unique de Dieu, qui refuse que Jésus ne soit pas simplement un homme. Hein, on parlait de l'arianisme il y a 2 minutes, mais en fait il est partout l'arianisme. Regardez autour de nous, les gens, peut-être qu'on leur parle de Jésus, bien sûr, ils savent que Jésus a existé. Aujourd'hui, plus personne ne peut le nier, l'histoire le montre, tous les scientifiques le savent. C'est une vérité scientifique. Oui, mais combien sont-ils à croire que Jésus est vraiment le Messie, le Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même? Et ça, frères et sœurs, même parmi nos rangs, parfois, on voit ça. Parmi les rangs des chrétiens, parmi les gens qui vont à l'église le dimanche, qui communient, qui mangent l'hostie, qui ne croient pas que c'est vraiment Jésus qui est Dieu. C'est terrible. Alors, il y en a qui croient du bout des lèvres, qui croient intellectuellement, d'accord, très bien. Mais on voit bien que dans leur vie, ça n'a pas imprimé. Qu'en réalité, la relation qu'ils ont avec Jésus, c'est une relation purement intellectuelle, vis-à-vis d'un grand savant, ou d'un prophète, ou de quelqu'un qui dit des choses très intéressantes pour notre vie, peut-être, mais qui ne sont pas entrés dans cette relation intime, personnelle avec lui, ne croyant pas au fond de leur âme et de leur tripe, hein, comme je dis souvent, la foi c'est dans les tripes, que Jésus est vraiment vivant, qu'il est au milieu de nous, qu'il est au milieu de nous, qu'il est en nous, qu'il veut vivre en nous, et qui ne mettent pas leur vie en référence avec le Christ et qui ne vivent pas avec lui vraiment, avec leur cœur, avec leur âme, avec leur être tout entier. Vous voyez, c'est ça l'antichrist. C'est de vivre à côté du Christ, en pensant que Jésus est simplement quelqu'un qui va me donner de bons conseils. Il est bien plus que ça. Il est celui qui sanctifie mon âme. Ça, c'est le Christ. Ça, c'est le christianisme. Alors, voyez, frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons être tentés par cet antichrist. Et c'était tout le travail de tous ces grands pères de l'Église, dont Grégoire et Basile ont fait partie, qui font partie de ces grands pères de l'Église grecque, hein, vous savez, donc de culture grecque, et qui font partie de ces grands hiérarques. Alors aujourd'hui, vous voyez, nous entendons le père des pères de l'Église, Jean-Baptiste, qui parle. Et vous voyez, Jean-Baptiste, on pense, les pharisiens qui sont là, pensent qu'il est... Tout le monde pense qu'il est le Christ, l'opinion publique. Vous voyez, on voit bien que Jean-Baptiste a une parole tellement puissante qu'il doit être le Christ. Et donc, on vient le voir en lui demandant « Qui es-tu ?» Et Jean-Baptiste sait très bien ce qu'on dit de lui. Mais regardez comme il répond. « Je ne suis pas le Christ immédiatement. » Mais alors, qui es-tu ? Réponds-nous. Es-tu le prophète Élie ? Es-tu le prophète annoncé ? Etc. Et il dit « Je ne suis pas. » Je ne suis pas tout ce qu'on dit de moi. Alors, là, il y a une petite contradiction, on pourrait dire, dans l'Évangile, entre ce que dit Jean-Baptiste, qui dit « Je ne suis pas le prophète Élie », et Jésus qui dit « Élie est déjà venu, c'est Jean ». Alors, il faut bien comprendre comment Jean voit les choses. Jean, il sait qu'il est un homme, fils d'un homme et d'une femme, peut-être d'une conception miraculeuse, mais tout de même, il sait qu'il est un homme. Et par contre, Jean sait qu'il est habité par une puissance qui ne vient pas de lui. Jean est tellement humble qu'il ne se regarde pas lui-même une seconde. Regardez ce qu'il dit. Je ne le suis pas, je ne suis personne en réalité. Moi, je ne suis personne. Par contre, on lui demande, mais il faut bien qu'on dise quelque chose. Les gens qui nous ont envoyés, les pharisiens, là, ils veulent savoir. Qui es-tu ? Et regardez ce qu'il répond. Je suis la voix. Je ne suis pas quelqu'un, je suis quelque chose pour Dieu, je suis une voix. Je suis juste le haut-parleur, celui qui agite l'air pour vous faire parvenir le son de la parole. Moi, je ne suis que la voix, juste le mécanisme qui sert à faire entendre la parole de Dieu. Je ne suis rien, je ne suis personne. Enfin, je ne suis pas rien, je suis la voix, mais je ne suis personne. Ne vous attachez pas à ma personne. écoutez la voix que je, la parole que je dis, qui ne vient pas de moi, qui vient de bien plus haut que moi. Vous voyez, c'est ça la vie prophétique à laquelle nous sommes tous appelés. Une vie saisie par Dieu, parce que nous sommes habités par le Christ, par le Messie, par la puissance de l'Esprit Saint, et nous, nous ne sommes rien, nous sommes simplement des instruments. Ah, nous avons des leçons à tirer de Jean-Baptiste, nous, nous voudrions être des gens, des saints, alors on voudrait avoir nos statues dans les églises, alors on prie comme il faut pour qu'on nous voit bien, qu'on prie, on fait des belles choses pour que tout le monde voit comment nous sommes des saints, et que tout le monde regarde et se dise « Oh, celui-là, celle-là !» Mais vous voyez, Jean-Baptiste n'est pas du tout comme ça, et pourtant, il a une vie tellement exemplaire, tout le monde le regarde, mais il n'a pas un regard sur lui-même, c'est justement ça qui fait toute la puissance de sa parole. Il regarde seulement les âmes auxquelles Dieu l'envoie, et il écoute la parole de Dieu. Et il est comme une espèce de fusible, il laisse passer le courant, c'est tout. Il laisse passer le courant. Eh bien, nous devons être comme ça, frères et sœurs. Comme tous les pères de l'Église, comme tous les prophètes, comme tous les grands saints de l'histoire, nous aussi, nous devons chercher cette sainteté. Et croyez-moi, cette sainteté, on peut la trouver partout. Elle se trouve au fond de notre cœur. Nous devons être très humbles. Elle se trouve partout autour de nous. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment des amis du Christ et qui répandent sans même le savoir, sans même se préoccuper de le savoir, de savoir si ça rayonne, qui rayonne de l'amour du Christ autour d'eux. Alors bien sûr, parfois nous avons des retours, des gens qui nous disent « Ah, tu sais, quand tu m'as dit ça, quand je t'ai vu, j'ai eu, etc. » Mais là, vous voyez, comme Jean-Baptiste, nous devons tout remettre à Dieu. Il faut que lui grandisse et moi que je diminue. Surtout que je diminue. Mais que lui grandisse. Et quand on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu baptises? Moi, je baptise juste dans l'eau, moi, je fais rien. Vous voyez, même les prêtres, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'eau, on met de l'eau sur les enfants. Mais il y a quelqu'un au milieu que vous ne connaissez pas. C'est lui qui agit quand moi, je baptise. Moi, je mets juste de l'eau. Lui, il baptise vraiment. C'est lui qui unit par sa puissance divine les âmes à Dieu et qui les sauve. Alors, frères et sœurs, demandons cette grâce de pouvoir nous aussi nous détacher de nous-mêmes, cesser de donner de l'importance à notre petite personne, cesser de nous préoccuper de l'opinion des gens sur nous, et demander au Seigneur d'être ce que nous sommes, simplement des haut-parleurs, des outils, des instruments, des pinceaux pour dessiner dans les âmes et dans le monde l'image du visage du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.